jeudi à Assemblage Rocky. On reçoit notre nouvelle chroniqueuse Stéphanie Gagné qui vient nous présenter ses coups de cœur artistiques dans ton plat favori. Tout ça en plus de ta capsule humoristique favorite Fido dans la question et de ta chronique technologique favorite CNX. Assemblage Rocky, jeudi, 15h.